laissez-moi brûler le mic, monsieur. Sourire à mes potes est plus dangereux. Prouve à tout le monde que je suis présent et faire quitter même mes plus envieux. Laissez-moi brûler le mic, monsieur. Sourire à mes potes les plus dangereux. Prouve à tout le monde que je suis présent et faire quitter même mes plus envieux. C'est l'équipe la plus expérimentée. Des paroles crues avec un petit air pimenté. Celui que tu détestes refait surface. Mais ma bite dans ta bouche en attendant de la cimenter. Moi je suis dead, non jamais. Juste un ange à la mémoire d'une âme qui flanche dans un corps damné. Yoni mon bras gauche, mes couilles mon bras droit. Continue à jacter si tu veux carner. La route est longue mais la victoire est sûre. Un rap par corps sur une bête écriture. La test, une chasse à l'armée déclarée. Ça vient du 19, pointe la Côte d'Azur. Laissez-moi brûler le mic, monsieur. Sourire à mes potes est plus dangereux. Prouve à tout le monde que je suis présent et faire quitter même mes plus envieux. Laissez-moi brûler le mic, monsieur. Sourire à mes potes est plus dangereux. Prouve à tout le monde que je suis présent et faire quitter même mes plus envieux. Essaye pas de tester ceux qui font de mettre le rap français. Je l'ai blessé, laissé à des kilomètres. Je suis le boss de mon art, un gosse de la rue. Mais ici, un mec qui a des couilles comme Payman ne me zappe pas dans MSN. Car je veux de l'or, t'as pas compris, c'est que t'es en retard, même avec la DSL. Moi je calcule pas les putes qui veulent mon disque d'or. En espérant me dépasser sur la scène. Viens pour casser tout, embrassez-vous. Rien à foutre, je fous la merde, même en bas de chez vous. Encore un son à faire tourner sur la nocturne. N'oublie pas que les gars, à la base, c'est nous. Laissez-moi brûler le mic, monsieur. Sourire à mes potes est plus dangereux. Prouve à tout le monde que je suis présent et faire quitter même mes plus envieux. Laissez-moi brûler le mic, monsieur. Sourire à mes potes les plus dangereux. Prouve à tout le monde que je suis présent et faire quitter même mes plus envieux. Tous les frères qui m'écoutent à Paris, la santé, les rageux dans mon quartier, les petites salopes qui tournent au bout. À tous ceux qui savent que je suis boycotté, de mon premier album au dernier titre, mais on écoute la mélodie du ghetto. Réapparaît sur un bitour. Je t'ai fait faire un pâté avant que tu tires sur le pédo. Et c'est moi, pour ta vie sur ton dernier cours. Ma tête dans les stickers avant de finir dans le métro. J'ai la classe. Le café dit ma place à la longue. Viens parler ici, mais n'en veux pas à ma bande. Passez vos petits mots, c'est le cousin. Un mec solo qui tue à la tombe. Non, on ne peut pas en rester qu'un. Chez nous, c'est une équipe bordélique et on est plein, ouais. Un peu à faire péter le rap français du freeport néo-chrome. Bientôt l'album laissera en chien. Laissez-moi brûler le mic, monsieur. Sourire à mes potes est plus dangereux. Prouve à tout le monde que je suis présent et faire quitter même mes plus envieux. Laissez-moi brûler le mic, monsieur. Sourire à mes potes les plus dangereux. Prouve à tout le monde que je suis présent et faire quitter même mes plus envieux. Laissez-moi brûler.